À l'occasion de la Journée des Soleils, du 52e anniversaire de la visite du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il en Indonésie et du 52e anniversaire du baptême d'un Kim Il-sungien, s'est tenu le 11 le service de visite au jardin botanique de Bogor d'Indonésie. Y ont pris part le sous-directeur et le personnel du jardin botanique, l'ambassadeur coréen et son collaborateur en Indonésie. Les visiteurs ont écouté d'abord l'explication sur les exploits des grands leaders coréens en faveur des relations d'amitié entre la Corée et l'Indonésie, ainsi que sur la fleur d'honneur avant de faire le tour de différents endroits du jardin.